Selon les instructions de Valérie, il entraîna le baron vers le quai par la rue Hillerimbertin. L'infortuné conseiller d'État allait, comme vont les négociants la veille du jour où ils doivent déposer leur bilan. Ils se perdaient en conjectures sur les raisons de la dépravation cachée au fond du cœur de Valérie, et ils se croyaient la dupe de quelque mystification. En passant sur le pont royal, il vit son existence si vide, si bien finie, si embrouillé par les affaires financières, qu'il fut sur le point de céder à la mauvaise pensée qui lui vint de jeter Crevel à la rivière et de s'y jeter après lui. Arrivé rue du Dauphin, qui dans ce temps n'était pas encore élargie, Crevel s'arrêta devant une porte bâtarde. Cette porte ouvrait sur un long corridor pavé en dalles blanches et noires, formant péristyle, et au bout duquel se trouvait un escalier et une loge de concierge éclairée par une petite cour intérieure, comme il y en a tant à Paris. Cette cour, mitoyenne avec la propriété voisine, offrait la singulière particularité d'un partage inégal. La petite maison de Crevel, car il en était propriétaire, avait un appendice à toiture vitrée, bâti sur le terrain voisin, et grevé de l'interdiction d'élever cette construction, entièrement cachée à la vue par la loge et par l'encombrement de l'escalier.